Plade bonjour à toutes et tous. Eric Frage al microphone sur Radio Citanio. Per vous entraîner pes camis de la philosophie. Aurez reconegut le nostre générique. L'inspirado improvisation couvrit le concert mythique del pianiste Keith Jarrett le 24 de janvier de 1975 à Köln en Allemagne. Bienvenidos et bienvenus duncos dans le tout premier numéro de Camis de Philosophie. Camis de Philosophie al plural, parce qu'il y a mai d'un Camis al pays de la philosophie. Et comme vous verrez, aquelles Camis sont nombreuses et variées, luminuses et surnes de gots, menant en dacon ou non menant pas en loc. Mas per commencer, que est la philosophie? Es l'obro filosofico e lo meteixo che de perelo respond a na questo questiu. Cado obro filosofico la d'uno persuno particularo, dins un periode particular de l'istorio umano, mas tabe mai globalomen la quito istorio de la filosofio. La filosofio se trovo pas enda con mai che din l'obro filosofico ca questo sio uralo u escrito individuale o collettivo, preso d'in un discours e un epoco, e d'in l'ensemble des discurses che formon l'un del tenzuma, secondo meno, l'istorio della filosofia. L'obro filosofico supposo un travail della pensado, un pensà, ma non pas chin pensà che sio, ia pensà e pensà. Et l'être humain a pas esperat la philosophie per pensar, vous savez. Non, la philosophie est une pensée particulière, fondée sur une savée particulière et spécifique. Ce que vol pas dire que la philosophie sio seulement per une élite, un setto, une minorité de monde. La philosophie est pas une pensée ésotérique. Al contrario, est une pensée exotérique. Une pensée qui concernis cadun et caduno, que tratto de las nostros balus, de nostros fis ultimos, de nostre bonur eventual, del nostre rapport al monde as autres, en un mut. Degu escapo pas a la philosophie, et mai semble souvent elo s'amusa a escartar la maje part del monde que per elo se devrion senti concernis. Cado persuno umano pot, en principi, accedire alla filosofia, pruca che questo persuno accepte de se servi della rasu, de sa rasu, so es della rasu che es en elo. Cap de favu ni cap de lezio divino sun pas aisi necessarios. La persuno che filosofo es pas d'en primier uno persuno cresento ni un elegido. Se crei, crei en la rasu e crei al dialogue. Esperago che puden dise che la filosofia supauso tutchun pauc u pru alla tradiciu e alla violenzio. Mai precisomen, la filosofia che se pot pas evidentomen desfade tutto tradiciu e che n'alimento uno e lo tabè, supauso alas cresensos, as mites o alas praticos che s'autorizon sunque de lur ancianetat e se fundon sus illusius e pregiugiats. La filosofia seduno tabe la tasco de reduzi la violentio en tut ensaja de la comprene cumo violentio. A tal vol sumetre a critico la tradiciu, la sio compreso e rejeto tut argument d'autoritat. L'unico autoritat que la filosofia pretend servi es la de la rasu. Dins a il sesto miro se pot afirma che la terra natale della filosofia è la Grecia antica. Es in Grecia maiezzatomen in iunio e nasio menuro che nasce la filosofia a partire del secolo seisenna avans Jesus Christ. Leu in differenze andreis del pais che se manifesto un occoglio de pensaires. Pensaires che configurano in una maniera un nuvelo de bese le mun e duncos de pausales problemos d'abord quotidias o problemos en rapportan de la naturo, e apres problemos a prepaus de las basos e de las estructuros proprios de la pensado. Poden citar tales Anaximandre, Anaximenes, Leucip, Heraclit, Pitagoros, l'home del teoremo, Anaxagoros, Democrit, mesencaro Parmenides, Empedocles, per citar sun que les mai coneguts. Aqueles pensaires que representon le periode inicial de la filosofia, pensaire dits presocratits, perquè venun avant Socrates, abandonon la mentalitat mitico de la tradició per una mentalitat nuvelo que se vol racionalo, critico. Passon del mite al logos. Le mut logos es pas nouvel, e ja significavo en grec antic paraulo, discurs. Mes les presocratits li donon l'essens plus precis de discurs racional, de paraulo logico, de discurs fundat. Es so que disen nosaltres la razú. Aqueles presocratits inauguron la filosofia che, a partir d'aquí, quitarà pas de sometre a critico tutto ciò che semblo ana sen dire, tutto ciò che semblo evidente e che, pamens, exigis d'esse fundat, es a dire, demostrat, justificat, legitimat. Tutaco su pauso de n'acaba and un pensado mitico che pauso les fenomens e les eveniments de cadujun, como tabe tutto ciò che es presente in la natura ed in l'home, como il risultato della volontà libero, gratuito e imprevisibile de forzos superiores personalizados e divinizados, les dius sun eles tabe sumeses din lus decisius a de forzos originarios e ultimos che, como talos, regisun le desti de tutom. A questo mistico necessitat fatalisto e incontrullaplo, les grecs li balion tradizionalmente nuns differens, che tutes referisun al desti o la fatalitat, annacche eimarmene moira, a tal s'esplicavo le perché delas causos. Tutcium per uno libertà divino o per un desti che engendravo in una mentalitat ritualisto e sommeso, una mentalità de pou, de respette, d'admiration, pla mai preoccupato pel comportament moral che pel desir de razionalizar, mai consacrato alla celebrazione liturgico festivo che all'investigazione razionale. Dins aquel mond diversificat, dominat per la constante imprevisibilitat, l'hai dit, de forzos superiores che fan impossible una explicación immanente e logico des faits e des événements, le grec viu tragicomen, soumès al caprici del desti, es a dire de so ineluttable, e a besoin de la teatralità tragico, la d'Esquil, de Sofocles, d'Euripides, per exemple, n'a besoin per fi de se purificar de sus sentiments e de sus affettes, es la famoso catharsis que n'avesa usita parlar. Les filosofes van, pauc a pauc, cupar les punts en d'aquell univers mític claus sus el mateix. van passar de la poesia al sistema, de la pensado poetico religioso, a un ensemble coherent, estructurat, de nocius, de principis logicament ligats. Pauc a pauc, se va tratar de despassar las apparències, d'anar plus loin que so visible, per atteigne l'intemporal e las vertadieros realitats. Le lugos, la razú, se va situar a la vez entre le mite e la revelació cristiano que vendrà mai tard. Le savi antiche pratico la razú es la figura fundamentale da quel lung periode historique e filosofiche va del secle VI avant Jesus Christ fins al secle III après Jesus Christ quand s'ouvris l'univers de la revelació cristiano. Mas ne sem pas encaro aquí. Avant de parlar de l'univers des presocratits, vos inviti a fa una pausa musicale de Murano in Grecio, ande las buses attualos e embelinairos de Nena Venezanu e Angelico Iunatos, la calo cum pauso aisi, sus de verses de Safo di Mitileno, de verses, biels de 2500 ans. Escuten, Aerion e Peon Arcomai, escribimus verses ambe daire. Thank you. λόγια. Μα γι' αυτό για παλά στα ακούσμα. Κάποιος θα βρίσκεται να με θυμάται εμένα. Κάποιος θα βρίσκεται να με θυμάται εμένα. Αερίων επέων, αερίων επέων, άρχομαι αλωνάτων